Amérique, t'es ici, on te bat couci. Si tu te sois supérieur parce que t'es pété, tu tapes, t'es ainsi que t'as beau véhicule. Et on t'encule, nous. La souche, tout serait accord et ex-écho. Libre et égo, frère, je te crache dessus et tous tes potes te tournent le dos. Pour moi, tu n'es qu'un Lego. Mais les mecs ont le but en stéréo. Si, c'est la souche, un déracinable et la souche. Ici, on te coupe à coups de sucre. Si, c'est la souche, un déracinable et la souche. Face à nous des balaises, la souche pèse, te pèse, tu fais un malaise. Regarde-toi, t'es tout gaine, tiens sur ta falaise. Tu vas prendre cher, la souche débute une nouvelle ère. On a le flair et des terres, on les vénère. Si, c'est la souche, un déracinable et la souche. Et si on te pas côté, si, c'est la souche, un déracinable et la souche. Et si on te pas côté, souche, on est enraciné. Un déracinable et l'assemblée. Sans doute tout ça m'éliminer. Un déracinable et notre assemblée. Complète la liberté et notre armée. Touché, enraciné. Un déracinable et l'assemblée. Ensemble, armés, liés. Un déracinable et notre assemblée. Complète la liberté et notre armée. Je vais faire dépasser les stars et les PDG. J'ai de la haine pour cet aspect. La politique affriquée, paniquée. Quand le CGM va cramer. Dans le but que j'suis enraciné. On m'a plus bien outragé, écrasé. Vos préjugés, vos décrets. Niquez, le CSA et ses secrets. La souche, les soins d'en paniquer. On vient de paniquer, le fond vient d'embarquer. Ici, c'est la soucherie. Un déracinable et la soucherie. Ici, on coupe à côté. Ici, c'est la soucherie. Un déracinable et la soucherie. Ici, on coupe à côté. La soucherie, on est enraciné. Un déracinable et la soucherie. Sans doute tout ça m'éliminer. Un déracinable et notre assemblée. Complète la liberté et notre armée. Touché, enraciné. Un déracinable et l'assemblée. Ensemble, nous armés, liés. Un déracinable et notre assemblée. Complète la liberté et notre armée.